était douce. Elle avait peur des sales moutons. Et le tourment dans les faubourgs. Elle était prudente avant tout. Elle parlait à des garçons, ses joues rougissaient d'un seul coup. Partie de loin, ce qu'elle trouva de bien, devenu le sien. Qu'elle apprécie jusqu'à quel point.